Le comité central et la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée et le comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée ont adressé le 13 avril le message de remerciement aux officiers et soldats de l'armée populaire, membres des troupes de choc et volontaires qui ont construit à merveille l'avenue Ryumyong, création monumentale de l'époque de Malima, pour ainsi manifester dans le monde la puissance et l'invincibilité de la Corée socialiste. Ils y ont noté que l'achèvement de la construction de cette avenue est le présent emprunt de fidélité des descendants du président Kim Il-sung, des soldats et disciples du général Kim Jong-il offert au grand leader, la grande victoire obtenue par le parti, l'État, l'armée et le peuple, et le grand événement de tout le peuple. Ils se sont exprimés convaincus que tous les militaires, membres des troupes de choc et volontaires qui ont participé à la construction de l'avenue Ryumyong continueront à innover et à opérer un grand essor dans la défense de la patrie et l'édification d'une puissance socialiste pour contribuer davantage à anticiper la victoire finale de la révolution Chuseok.